Dans la communauté scientifique, une idée fait son chemin, celle qui considère que les cancers se développeraient à partir d'une sous-population bien particulière de cellules cancéreuses, appelées cellules souches cancéreuses. Cela a un impact fondamental sur le type de traitement qui va être considéré comme efficace contre les cancers. Et si, pour trancher la question, il nous fallait une philosophe? Si, si, vous êtes bien sur Podcast Science, et il s'agit de l'épisode 417, en compagnie de Lucie Laplane. Et voilà, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, une petite portion de l'équipe anime l'émission chaque semaine. Et pour cet épisode, nous avons la joie d'écouter Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Irène depuis Bastia, mais qui a des problèmes de connexion, donc peut-être que vous ne l'entendrez pas nous souhaiter la bienvenue. Nous avons aussi Cléora depuis Perduville. Hello tout le monde. Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Moi, votre hôte, Topo, depuis Paris, et notre invitée, Lucie Laplane, depuis Paris. Bonjour. Voilà, et donc, je vous propose de commencer immédiatement le dossier de Podcast Science, donc sur les cellules souches et le cancer. Mais Lucie, avant de te laisser entièrement la parole, pour te permettre de nous expliquer comment la philosophie peut permettre d'illuminer la question des cellules souches et du cancer, je voudrais permettre à notre auditeur, en fait, de mieux te connaître, ainsi que ta discipline et ton champ d'expertise. Et pour cela, je te propose de nous expliquer comment ton parcours universitaire t'a mené à ce qu'on se rencontre pour la première fois dans mon laboratoire, c'est-à-dire une équipe de recherche en biologie évolutive du développement. Tu peux nous raconter ça ? Oui, bien sûr. En réalité, peut-être que la première chose qu'il faut que je dise, c'est que j'avais pas exactement prévu de devenir philosophe. C'est arrivé un peu par hasard, en fait. Disons que le programme de lycée en biologie, c'était l'évolution d'un côté et la génétique de l'autre. Et j'avoue que moi, ça collait pas très bien et ça a soulevé pas mal de questions que j'ai posées à mon prof de bio, qui m'a assez rapidement réorientée vers la prof de philo. Et en fait, c'est comme ça, du coup, que je me suis tournée vers la philosophie. Donc, dès le départ, mon intérêt pour la philosophie s'est fait autour de questions biologiques. D'accord. Donc, quand je me suis lancée dans la philo, déjà, c'était pas forcément pour devenir philosophe au départ. Et ensuite, clairement, très rapidement, j'ai orienté mon parcours vers des questions de philosophie de la biologie. Donc ensuite, à partir de ce moment-là, ça a été assez naturel, on va dire, de faire rejoindre les deux. Très rapidement, je me suis spécialisée en philosophie de la biologie. Et puis, puisque ce qui m'intéressait, c'était des questions de biologie, je me suis formée à la biologie, et d'abord théorique, en essuyant les bancs de Jussieu. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Donc j'ai été visiter des labos, passer quelques jours dans un labo ici ou là, et là je me suis rendu compte à quel point j'ignorais ce que c'était qu'une cellule souche, malgré tout ce que j'avais pu lire et apprendre. D'accord. Et donc j'ai décidé de faire un vrai master de biologie des cellules souches avec les 6 mois de stage. Et c'est comme ça que j'ai fini dans ton labo. Ouais, c'est que moi je trouve ça comme complètement incroyable qu'on puisse avoir autant de transversalité dans les laboratoires de biologie. Généralement, on croise pas de philosophes et surtout ton profil atypique, c'est-à-dire d'avoir voulu faire de la biologie depuis le début, mais à travers une perspective de philosophie, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'était tout à ton honneur aussi, surtout d'avoir cherché à avoir une vie pratique. Comment ça s'est passé d'ailleurs, ce stage? T'en ressors avec une bonne expérience ou Rétrospectivement, oui, j'en ressors avec une très bonne expérience. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Ça a complètement changé mon orientation philosophique, ma façon de concevoir mon métier. Et ça me semble complètement indispensable. Après, d'accord, c'est sûr que l'arrivée dans le laboratoire, ça n'a pas été hyper simple. que le premier jour, quand on m'a tendu un protocole expérimental et que je comprenais pas la première ligne, j'ai un petit peu transpiré, quoi. J'imagine, ouais, c'est clair. J'aime beaucoup le rétrospectivement. C'est ça. Mais ça se fait. Non, je suis très contente de l'avoir fait. C'était vraiment bien. Très bien. Bon, maintenant, tu es chercheuse du CNRS, travaillant à l'IHPST, donc l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. C'est un institut parisien qui est rattaché à l'Université Paris 1. Et on apprend en visitant la page qui t'est dédiée sur le site de l'Institut qu'une particularité de tes travaux est d'y associer un volet philosophique et expérimental. Du coup, à quoi ressemble ton quotidien de chercheuse, une journée typique ? Est-ce que tu fais des expériences, par exemple ? Oui, alors... Je dirais qu'il n'y a pas de journée typique. Ça m'arrive de continuer à faire de la biologie expérimentale. Ça reste quand même rare que je retourne à la paillasse parce que ça prend énormément de temps, donc c'est difficile de combiner les deux. Donc c'est périodique, ça m'arrive périodiquement de faire ça. Et sinon, disons que à l'heure actuelle, j'essaye de faire rejoindre les deux pratiques. Mais j'ai pas encore stabilisé la meilleure façon de le faire, donc je cherche un peu différentes stratégies. Parfois je retourne à la paillasse, parfois je monte des projets pour lesquels j'ai des étudiants que j'encadre qui font eux-mêmes les manips. Alors là, la première expérience a été toute relative. D'accord, tu cherches tes mots, c'est bien. Voilà. Non, bah disons que effectivement, je suis pas sûre que c'était plus facile de diriger une étudiante en master que de faire moi-même le travail de travail expérimental. Je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, je cherche un peu la bonne stratégie, ce qui est le plus efficace, ce qui marche le mieux, ce qui est le mieux pour tout le monde. Et donc du coup, en fait, j'ai pas de quotidien typique au sens où c'est fait d'exploration assez diversifiée. Ça marche. Tu disais, Lucie, que tu avais des interactions avec des biologistes, fréquentes avec des biologistes. Comment ça se passe, en fait, ce genre d'interaction avec des chercheurs à la paillasse pure? Alors, encore une fois, c'est très diversifié. Donc, effectivement, c'est fréquent, très fréquent, puisque par défaut, je travaille dans un laboratoire à Gustave Roussy. Gustave Roussy, c'est un centre de cancérologie en région parisienne, à Villejuif. Et donc, je travaille dans une équipe d'hématologie. Et donc, les interactions, en fait, sont constantes. Ouais. Et elles sont très diversifiées, au sens où ça dépend de ce que chacun y met. Donc ça va des conversations théoriques, conceptuelles autour des projets des uns et des autres, aux discussions autour des problèmes expérimentaux que certains peuvent rencontrer, jusqu'à des réflexions de vers où orienter le projet. Récemment, je me suis aussi formée à la bioinformatique, donc il y a pas mal de projets dans l'équipe où j'aide à explorer un peu les données. Donc vraiment, les interactions peuvent être très diversifié, de l'expérimental au très conceptuel. Très bien. Bah, écoute, je te propose, Lucie, de commencer donc à nous expliquer la philosophie des cellules souches et du cancer, sachant que ça fait partie des travaux que tu fais depuis ton master et sur lequel tu as fait ta thèse. Oui. Peut-être que je vais commencer simplement par expliquer un peu ce que c'est qu'une cellule souche. Disons la vision acceptée de ce que c'est qu'une cellule souche. Donc les cellules souches sont des cellules qui sont définies par deux caractéristiques, la capacité à s'auto-renouveler, qui est la capacité donc à produire d'autres cellules souches, et la capacité à se différencier, qui est la capacité de ces cellules souches à produire des cellules différenciées. Donc les cellules qui composent l'organisme, les cellules de la peau, les cellules du sang... Donc voilà, la définition classique des cellules souches se fait autour de ces deux mécanismes. Il faut savoir maintenant que ce concept de cellules souches s'applique à une diversité importante de cellules, puisque dans l'organisme, il y a plein de cellules souches. Donc en gros, chaque tissu est maintenu par une source de cellules souches qui lui est spécifique. Donc la peau a ses propres cellules souches, le sang a ses propres cellules souches, les muscles ont leurs propres cellules souches. Et donc ça fait que derrière cette catégorie cellules souches, il y a plein d'objets biologiques différents. Ça c'est pour une introduction un peu générale. Maintenant je passe à la question des cellules souches cancéreuses. Donc il y a les cellules souches normales que je viens de décrire, et puis il y a l'idée que le cancer serait organisé un peu comme les tissus normaux. Donc également avec un petit pool de cellules souches cancéreuses qui produiraient la totalité des cellules cancéreuses. Donc le mécanisme, enfin la perception est similaire. On a une globalité de cellules produite par un tout petit sous-ensemble. Et ce tout petit pool de cellules souches est donc défini par cette capacité à se maintenir lui-même à travers l'autorenouvellement et à générer le reste de la population. Pour le cancer, en fait, cette notion de cellules souches cancéreuses, elle modifie très profondément la façon dont on comprend ce que c'est qu'un cancer. Juste pour vraiment être sûr de bien comprendre, pour cette notion en fait de cellules souches cancéreuses, ça veut dire qu'il y a une sous-population de cellules souches qui s'auto-renouvellent et qui produisent des cellules différenciées, c'est ça ? Donc des cellules cancéreuses différenciées ou... Alors, plus ou moins différenciées, parce que dans les cancers, il y a souvent des problèmes de différenciation, les cellules peuvent être assez aberrantes, il y a des cancers où la différenciation se fait plus ou moins bien. Donc, mais disons que malgré tout, un cancer, c'est un ensemble de cellules plus ou moins différenciées et relativement hétérogènes. Et cet ensemble de cellules est produit par une petite sous-population très indifférenciée. D'accord. Est capable de reproduire cette diversité, on va dire. Okay, même d'accord. Si cette diversité, dans le cas du cancer, elle est anormale. Très bien, ok. Donc ça change vraiment la façon de concevoir le cancer, parce que normalement, dans la conception la plus classique, toutes les cellules cancéreuses, en fait, participent au développement de la tumeur. Toutes participent au développement de la tumeur et toutes participent au risque de rechute après des traitements qui ont eu l'air d'avoir été efficaces. Et avec ce modèle des cellules souches cancéreuses, ça vient complètement refonder cette perception, parce que ce que le modèle dit, c'est en fait, on s'en fiche de la masse tumorale de toutes ces cellules différenciées, parce qu'elles sont vouées de toute façon à mourir et à être éliminées. C'est le sort d'une cellule de mourir. Et donc ce qu'ils disent, c'est ce qui compte en fait, c'est le pool de cellules souches cancéreuses. C'est ce pool-là qui est vraiment important, à la fois parce qu'elle produit l'ensemble des cellules cancéreuses et parce que si ce pool de cellules souches cancéreuses échappe au traitement, il sera capable de générer des rechutes. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer radicalement les approches thérapeutiques dans le traitement des cancers. Parce que les approches thérapeutiques classiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essayent d'éliminer le plus grand nombre possible de cellules cancéreuses. Mmh. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est... on s'en fiche du plus grand nombre. Ce qui nous intéresse, c'est d'éliminer la source spécifiquement. Cibler cette source. D'accord. C'est un peu comme les films de science-fiction dans lesquels ils disent « Ouais, c'est pas important de tuer tous les aliens. Ce qu'il faut, c'est tuer la reine mère, là. C'est elle qui est importante, c'est elle qui pond. » C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Alors que la stratégie thérapeutique classique va chercher à éliminer tout le monde, l'idée, c'est d'aller tuer la reine mère. Et c'est pas si simple, en fait, parce que en pratique, ça change aussi la façon d'évaluer l'efficacité des thérapies. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les thérapies sont évaluées sur leur capacité à éliminer le plus grand nombre de cellules cancéreuses possible. Or, si on élimine que les cellules souches cancéreuses, l'effet va pas être immédiat. Parce qu'il faut que le reste des cellules cancéreuses perdent leur capacité de division et meurent. Donc ça peut prendre un peu de temps entre le moment où on va tuer la cellule souche cancéreuse et le moment où on va voir la tumeur s'épuiser et disparaître. Donc ça veut dire changer l'approche, changer la façon d'évaluer l'efficacité des traitements. Donc c'est vraiment un changement assez profond. Et avec ce changement de perspective thérapeutique, il y a vraiment l'idée que ce sera nécessaire et suffisant d'éliminer ces cellules souches cancéreuses pour guérir les cancers. Nécessaire parce que si on n'élimine pas ces cellules, on pourrait dire on s'en fiche, en gardant la stratégie classique, on élimine tout le monde et tout ira bien. Mais si jamais il y a une seule ou très peu de ces cellules souches cancéreuses qui résistent à ce traitement, je sais pas, supposons que la reine mère soit dans un bunker au moment où on fait exploser la bombe, et ou qu'elle ait été dîner chez sa tante, ces cellules souches cancéreuses qui auraient échappé au traitement sont capables de générer des rechutes Et c'est quand même un des problèmes du cancer, cette période où on est en rémission sans vraiment savoir si c'est fini ou si on risque de rechuter. Donc là, le modèle des cellules souches cancéreuses vient apporter une explication. Il suffit qu'il y ait quelques cellules souches cancéreuses qui aient résisté pour qu'il y ait une rechute. Et une solution, éliminons ces cellules-là et on s'épargnera les risques de rechute. On a une première interrogation de Loïc qui dit « Je croyais que les cellules cancéreuses étaient immortelles et que l'objectif était de les mettre en apoptose pour qu'elles arrêtent de proliférer. » Alors, les cellules cancéreuses sont pas immortelles. Donc, effectivement, il y a des problèmes de prolifération, il y a des problèmes d'échappement à l'apoptose. Donc, elles peuvent proliférer plus et mourir moins que des cellules normales. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de morts cellulaires dans les cancers. D'accord. Okay. Elles y échappent pas pour autant. Parfait. Peut-être qu'il y a une confusion avec l'immortalité des cellules tirées de tumeurs, comme par exemple la lignée HLA, etc., dans lequel toutes les cellules qui appartiennent à cette lignée sont pas vouées à se reproduire. Mais par contre, la lignée en elle-même semble immortelle puisqu'on est capable de la faire proliférer ad vitam aeternam. Exactement. Tout à fait. Voilà, disons, pour la vision des choses à l'heure actuelle. Maintenant, en réalité, tout ça repose sur l'idée centrale de la cellule souche et sur l'idée qu'on s'en fait. Et en fait, c'est pas si simple de savoir ce que c'est qu'une cellule souche. D'abord, il y a un truc très particulier avec la cellule souche, c'est que son identification, elle est toujours rétrospective. Parce que, comme les cellules souches sont définies par des capacités fonctionnelles, celles de s'auto-renouveler et celles de se différencier, pour prouver qu'une cellule est souche, il faut la mettre en culture, afin qu'elle s'auto-renouvelle et qu'elle se différencie. Une fois qu'elle a fait ça, la cellule souche elle-même qui a été mise en culture n'existe plus, puisqu'elle s'est divisée et qu'elle s'est transformée. Donc déjà, on n'a jamais devant nous un ensemble de cellules, les biologistes n'ont pas devant eux un ensemble de cellules, et ils peuvent dire « cette cellule est souche et celle-ci n'est pas souche ». Donc il y a des marqueurs approximatifs, mais c'est un peu chercher Charlie quand même. Et donc les tests après sont toujours fonctionnels, et rétrospectivement on peut dire « ah oui, on avait bien une cellule souche au départ ». Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est très difficile en pratique de démontrer qu'une cellule est capable de s'auto-renouveler et de se différencier, parce que pour ça, il faut la mettre dans des milieux qui permettent de tester ces deux capacités. En général, c'est pas les mêmes milieux qui permettent de tester la capacité à s'auto-renouveler et la capacité à se différencier, c'est un premier problème. D'autre part, ce qu'on va observer comme capacité de différenciation va nécessairement être contraint par le milieu dans lequel on a mis la cellule, donc on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'elle serait capable de faire si elle avait été mise dans un autre milieu. Et juste pour clarifier, quand on parle de milieu, c'est un milieu de culture cellulaire. Très classiquement, c'est des solutions qu'on achète à des compagnies pharmaceutiques avec des acides aminés, des sucres, etc., et qui permet de maintenir des cultures cellulaires, c'est ça ? Ça peut être ça pour les parties in vitro, ou bien ça peut être la souris, par exemple. Dans lequel on injecte, ouais. Voilà, dans lequel on injecte les cellules. Donc voilà, donc le modèle expérimental qu'on va utiliser pour prouver qu'une cellule est souche va contraindre le type de réponse qu'on va avoir sur la capacité de la cellule. Et puis le truc un peu marrant, mais peut-être que ça fait rire que les philosophes, mais moi je trouve ça quand même un peu marrant. C'est l'auto-renouvellement. En fait, on peut pas le démontrer. Parce que pour prouver qu'une cellule souche est capable de s'auto-renouveler, il faut prouver qu'elle a produit une autre cellule souche. Pour prouver que cette autre cellule est souche, il faut prouver qu'elle est capable de s'auto-renouveler. Pour prouver qu'elle est capable de s'auto-renouveler, il faut prouver qu'elle est capable de donner une cellule souche. D'accord. Raisonnement circulaire, ça. Exactement. Okay. La preuve est indéfiniment repoussée à la prochaine génération de cellules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Je t'interromps, il n'y a pas de marqueur spécifique à une cellule souche. On peut pas aller chercher un marqueur sur la membrane cellulaire qui est spécifique des cellules souches, donc. Alors, il y a des marqueurs. Donc, typiquement, la façon dont les scientifiques procèdent pour identifier les cellules souches, très traditionnellement, ça va être, ils prennent la population de cellules, une population de cellules, ils trient les cellules en fonction de marqueurs de surface. ils injectent ces cellules dans des souris, ils regardent les capacités de la cellule. Donc, mettons qu'on soit, qu'on travaille sur le sang, par exemple. Ils injectent les cellules dans une souris irradiée et regardent si les cellules injectées sont capables de reproduire le système hématopoïétique, donc le sang, dans la souris dans laquelle les cellules ont été injectées. Si les cellules sont pas capables de le faire, c'est qu'il n'y avait pas de cellules souches dans les cellules injectées. Si, après injection, le système hématopoïétique est refait et qu'il est maintenu au cours du temps, alors les chercheurs peuvent en déduire que dans les cellules qu'ils ont implantées dans la souris, il y avait des cellules souches. Alors, on va juste reprendre hématopoïétique. Le sang. Le sang, d'accord. Bah voilà. Ouais. Hémato, l'hémoglobine, le sang. D'accord, ok. Ouais, voilà. Et donc, sur cette base-là, ils peuvent, au fur et à mesure, affiner les marqueurs de surface qui sont exprimés par les cellules souches. Mais c'est jamais complètement parfait, parce qu'en fait, ce qui est transplanté dans une souris, c'est un ensemble de cellules assez hétérogènes, et dedans, on peut dire qu'il y a des cellules souches, mais on peut pas dire que toutes sont des cellules souches. Et dans tous les cas, en fait, il y a énormément de diversité au sein des cellules identifiées comme étant les plus enrichies en cellules souches. Ouais. Donc, les marqueurs de surface, c'est une approximation, on va dire, qui permettent aux scientifiques d'avoir des populations avec le plus possible de cellules souches à l'intérieur. De toute façon, arrête-moi si je me trompe, mais quoi qu'il arrive, même si on avait ces marqueurs de surface, pour pouvoir les relier à la caractéristique souche, il faudrait quand même un moment ou un autre prouver que, en ayant tous ces marqueurs, on obtient cet auto-renouvellement et on en revient toujours à ce problème de raisonnement Exactement. Circulaire à ce moment-là. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le premier problème par rapport à l'identification. Et à la définition. L'autre problème avec la définition, c'est qu'en fait, ces propriétés fonctionnelles, l'auto-renouvellement et la différenciation, c'est pas des propriétés qui sont spécifiques aux cellules souches. Le problème se fait de deux manières. Le premier problème, c'est que toutes les cellules souches n'ont pas forcément les mêmes capacités d'auto-renouvellement et de différenciation. Donc, par exemple, on parle de cellules souches parfois, donc en fait c'est un sujet de débat, mais de cellules souches dans l'embryon précoce, donc en fait chez le zygote et les premières divisions cellulaires, en fait les cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité à reproduire la totalité de l'organisme et ses annexes extra-embryonnaires, enfin tout ce qu'il faut en gros pour qu'un organisme se développe. D'accord, le zygote, c'est la cellule œuf, c'est la toute première cellule après la fécondation entre spermatozoïde et ovule, ça. Oui, okay. Exactement. Donc ces cellules sont totipotentes. Originellement, je fais un détour historique, mais la première fois que le nom cellule souche a été proposé, c'était pour désigner exactement ces cellules-là, le zygote, l'œuf fécondé, d'accord, qui était capable de produire la totalité de l'organisme. Donc l'origine du mot cellule souche désigne cette cellule-là. Ensuite, au cours du développement de l'embryon, il y a une phase où les cellules deviennent pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de donner toutes les cellules de l'organisme adulte, mais pas les cellules alors là, je sais pas comment le dire de façon simple, les annexes extra-embryonnaires, le placenta, le sac vitellin, ces choses-là, ouais, qui permettent à l'embryon de se développer, mais qui font pas partie de l'organisme adulte. Ouais, oui, bah c'est ça, annexe embryonnaire, c'est en gros c'est l'embryon qui produit des cellules, mais qui vont pas perdurer à l'âge adulte parce que ça permet juste de faire l'interaction entre la maman et le bébé, quoi. Ouais, je crois que la définition c'est cellules de soutien nécessaires au développement de l'embryon qui sont produites par pour les annexes embryonnaires. Ouais. OK. Bah, c'est bon à savoir. C'est un peu plus clair que annexe embryonnaire. Ces deux premières phases du développement de l'embryon sont des phases transitoires. Donc, les cellules peuvent s'auto-renouveler sur quelques divisions cellulaires. Et ensuite, elles perdent ces caractéristiques. si on les extrait de l'embryon, les cellules pluripotentes notamment, et qu'on les met en culture, là, elles sont capables, en culture, de s'auto-renouveler aussi longtemps que... En fait, on ne sait pas aussi longtemps que quoi, mais très longtemps en tout cas. Et donc, on parle pour les cellules souches embryonnaires mises en culture de cellules souches. Et la question, il y a une question autour de savoir si les cellules totipotentes et pluripotentes dans l'embryon doivent être appelées des cellules souches ou pas, sachant qu'elles n'ont pas la capacité d'auto-renouvellement quand elles sont dans l'embryon. D'accord. Peut-être qu'elles ont la capacité, puisque quand on les met en culture, elles peuvent le faire, mais en tout cas, dans l'embryon, il se trouve qu'elles s'auto-renouvellent qu'un nombre de fois très, très limité. D'autre part, parmi les cellules souches, le potentiel de différenciation est très diversifié. Donc là, on vient de parler de cellules qui pouvaient tout faire. À l'inverse, les cellules souches du muscle, par exemple, ne peuvent faire que du muscle. Donc on parle d'unipotence, elles peuvent faire qu'un seul type cellulaire. Originellement, la notion de cellule souche naît avec l'idée d'une capacité à produire plusieurs types cellulaires. Donc, il s'est posé assez longtemps une question autour de savoir si les cellules souches unipotentes pouvaient compter comme étant des cellules souches. Donc, si on reprend tes définitions initiales de cellule souche, une cellule souche unipotente musculaire, c'est une cellule souche qui se renouvelle pour redonner une cellule souche musculaire et ou donner une cellule qui, elle, va se différencier pour donner du muscle. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc, il y a toujours c'est uniquement renouvellement plus cellules filles qui donne une différenciation qui permet de les rattacher à cette notion de cellules souches. Oui, pas sans difficulté. Ouais. Et l'idée est là. Donc, en fait, là, il y a une petite circularité qui est que, est-ce qu'on exclut les cellules de l'embryon parce que la définition dit que c'est auto-renouvellement et différenciation? Sachant que c'est nous qui avons décidé la définition, est-ce qu'on inclut où est-ce qu'on met les frontières entre ce qu'on appelle une cellule souche et ce qu'on appelle pas une cellule souche. D'accord. Et de l'autre côté du problème, est-ce qu'il y a une question? Ouais, moi j'ai un truc, une réflexion qui me vient parce que bon moi je suis biologiste du développement, enfin sur des espèces non modèles donc plutôt évo-dévo, et je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que de mon point de vue nous, on n'appellera jamais, enfin, c'est peut-être lié à mon field, donc évo-dévo des mammifères plus spécifiquement, mais on n'appellera jamais cellules souches. On parle de totipotence, de différenciation progressive, de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, on parle de cellules souches plus pour, après, chez l'adulte, quoi. Quand t'as une, comme tu disais, une cellule souche de muscle qui va se différencier uniquement en muscle ou des cellules souches de cerveau qui vont se différencier, je sais pas, dans l'hippocampe pour la mémorisation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est cellules souches embryonnaires. C'est un mot que on utilise. Je sais pas si toi c'est pareil, Topo, mais c'est un mot que nous on n'utilise jamais en fait. On parle de degrés de différenciation beaucoup, mais on parle jamais de cellules souches. Les cellules souches embryonnaires, on les évoque uniquement quand on les a retirées de l'embryon. Voilà, exactement. Ça dépend quand même des espèces, parce que les néoblastes. Oui, c'est vrai. Qui conservent des cellules souches pluripotentes toute leur vie. Donc là, il y a vraiment une question de savoir si dans une espèce, il se trouve que les organismes conservent leurs cellules pluripotentes toute la vie, eh ben elles sont souches. Mais les mêmes cellules dans une espèce où il se trouve que elles ont plus besoin d'être là après les premiers stades embryonnaires, là on les appelle pas cellules souches. Donc là, il y a une question biologique sur à quel point elles sont différentes pour justifier que l'une soit appelée souche et l'autre pas. Ou est-ce que c'est purement parce que on veut être cohérent avec la définition qu'on a proposée? Pour clarifier juste ce qui vient d'être dit, Lucie justement nous a fait réfléchir sur la notion de cellule souche en évoquant un type cellulaire qu'on appelle les néoblastes. Les néoblastes, ce sont des cellules souches qu'on retrouve chez des vers planaires qui sont assez réputés parce qu'ils sont capables de régénérer. On peut les couper en 275 morceaux et hop, on a 275 vers qui sont régénérés. Et justement, il a été caractérisé dans ces organismes-là, ces petits vers plats, que on pouvait prendre une cellule et que cette cellule avait un comportement de cellule souche, c'est-à-dire qu'elle était capable de reconstituer pratiquement l'intégralité d'un organisme. La manière dont on l'a caractérisé, c'est qu'on a pris un ver plat, qu'on a irradié, c'est-à-dire que toutes les cellules qui étaient capables de se diviser ne pouvaient plus se diviser, et on prend d'un autre ver plat, parce qu'on peut faire des greffes avec ces vers, c'est pas n'importe quoi, mais on prend d'un autre ver plat une cellule qu'on appelle le néoblaste, et elle va repermettre à ce ver de pouvoir survivre et de régénérer et tout ce qu'il faut. Donc ça reste que, à mon avis, il y a cette possibilité de régénération qui permet d'étudier le comportement des cellules souches dans ce cas-là, non ? Ouais. Ouais. D'accord. Donc il faut quand même des petites astuces pour pouvoir. Voilà. Bah c'est en fait, moi j'ai pas d'opinion sur le sujet. Simplement, je pense que c'est important de se rendre compte de ce qu'on fait, des choix qu'on fait, parce que par exemple typiquement sur la question de savoir si les cellules pluripotentes dans l'embryon sont des cellules souches ou pas, les gens s'énervent. Je veux dire, vraiment c'est un débat sur lequel parfois ça génère beaucoup d'agressivité. Je me demande d'ailleurs un peu pourquoi. Je pense qu'il y a aussi des problèmes éthiques qui se cachent derrière, que les gens veulent pouvoir travailler tranquille sur leurs cellules sans que ça génère des idées. D'accord, il y a des enjeux autres que expérimentaux et philosophiques derrière ouais. L'usage des mots cellules souches. D'ailleurs, la distinction entre totipotente et pluripotente, très longtemps, elle était les gens utilisaient un peu l'un et l'autre sans faire de distinction importante. Et les distinctions sont venues parce que c'est devenu très important de dire que les cellules souches embryonnaires en culture ne permettent pas la production d'un organisme, d'un individu. Je veux dire, éthiquement, c'était hyper important de faire cette différence. Dire c'est pas un zygote, on peut pas le transformer en un être humain. Ouais. Donc la différence entre totipotence et pluripotence, elle s'est vraiment accentuée à partir du moment où il a fallu être clair sur les capacités des cellules à cause des enjeux éthiques qu'il y avait derrière. Sachant que c'est pertinent en plus uniquement pour les cellules, pour les organismes type mammifères, etc., dans lequel il y a des cordons ombilicaux, il y a des trucs comme ça. Mais pour d'autres, les poissons, quoi, on s'en fout, non ? Voilà, absolument. Mm. Donc voilà, donc il y a vraiment des questions sur pourquoi on décide que de mettre les limites là où on les met. Après, moi, je pense que c'est toujours important quand on est dans un contexte d'incertitude, d'avoir une définition claire et de s'y tenir. Mm. Mais je voulais montrer toutes les incertitudes qu'il y a autour de cette définition. Et l'autre part d'incertitude qu'il y a, c'est que ces propriétés d'auto-renouvellement et de différenciation, elles sont pas non plus spécifiques aux cellules souches. Mmh. Donc là, je reviens sur l'analogie de chercher Charlie. Dans les trucs de chercher Charlie, c'est difficile de trouver Charlie parce que tous les autres personnages ont des trucs qui ressemblent à Charlie. Ouais. Pour les cellules, c'est un peu pareil. Les cellules souches, elles disent pas coucou. Ils ont pas une différence très franche qui permette tout de suite de les distinguer des autres cellules. Et en particulier, donc il y a des cellules parfaitement matures qui sont capables de s'auto-renouveler autant que les cellules souches. Donc par exemple, il y a certains macrophages et certains lymphocytes qui peuvent s'auto-renouveler à très long terme, aussi bien qu'une cellule souche. Donc lymphocytes, c'est les cellules qui sont produites dans les ganglions lymphatiques, macrophages aussi, c'est les globules blancs en gros. Ouais. Et eux, et du coup, pourquoi on les considère pas comme des cellules souches ? C'est quoi l'argument qui est dit que... Alors, il y a un argument lié au potentiel de différenciation. Mm. Même si dans le cas des lymphocytes, certains parlent de cellules souches lymphocytaires parce qu'il y a encore un peu de capacité de différenciation derrière dans les lymphocytes. Mais donc il y a aussi un débat sur la question de savoir si on peut ou pas parler de cellules souches lymphocytaires. Certains le font, d'autres trouvent ça complètement absurde. Évidemment, ça peut aussi générer beaucoup d'animosité parfois parmi les scientifiques. D'accord. Heureusement que les philosophes sont là, donc j'imagine c'est ça, ça va être ça la conclusion. En l'occurrence, je sais pas parce que je vais pas résoudre le problème de la définition des cellules souches, mais disons qu'en tout cas, je peux au moins permettre de montrer tous les choix qui sont faits et de les rendre un peu plus perceptibles et les enjeux derrière. D'accord. Et c'est pareil pour la différenciation, en fait. Il n'y a pas que les cellules souches qui ont une capacité à produire plein de cellules différentes. Donc, par exemple, si on revient sur le sang, les cellules souches du sang peuvent produire toutes les cellules du sang. Mais en fait, le premier stade de différenciation, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de, dans le système hématopoïétique, beaucoup d'étapes entre la cellule souche et la cellule mature. Et les premières divisions et les premières étapes de différenciation de la cellule souche donnent des progéniteurs qui sont appelés progéniteurs multipotents, ouais. En raison de leur capacité, eux aussi, à produire la plus grande partie des cellules du sang. D'accord. Donc on voit que, en fait, ces capacités d'autorenouvellement et de différenciation sont pas spécifiques, que en grande mesure elles sont quantitatives plutôt que qualitatives. Donc c'est pas vraiment soit t'es capable de t'auto-renouveler, soit t'es pas capable. Tu peux être plus ou moins capable de le faire, mm-hmm. sur des temps plus ou moins longs. Et pareil pour la différenciation. Je vois qu'on a déjà quand même eu quelques petites questions pendant tes explications. Je crois que c'est Daon qui avait posé la première question et qui revient à la charge sur ce, pour probablement toujours lié à cette question d'immortalité des cellules souches. Je reviens aussi sur le fait que tout à l'heure on a dit un gros mot sans le définir. On a parlé d'apoptose sans définir qu'il s'agissait de la mort cellulaire programmée. En effet, les cellules ont une capacité de programmer leur mort pour qu'elle soit faite de manière la plus propre possible dans un système biologique. Et là, Dan réutilise un gros mot en nous posant la question, les télomères des cellules souches ne se réduisent-elles pas? Alors, les télomères, c'est les extrémités des chromosomes. Je te laisse répondre à la question. À vrai dire, je connais pas très très bien les télomères, donc effectivement, je sais que disons qu'il faut ajouter que les télomères sont l'extrémité des chromosomes et à chaque division cellulaire sont réduits et quand ils sont trop courts, la cellule meurt. Donc il y a une sorte de compte à rebours qui se fait et qui est lié à la taille de ces télomères. D'accord. Il y a aussi la capacité pour les cellules à rallonger ses propres télomères. Et il me semble que les cellules souches sont assez fortes en la matière. Ouais. Et les cellules cancéreuses aussi. Et voilà, j'allais ajouter les cellules cancéreuses aussi. D'accord. Donc j'en étais à les difficultés autour de la définition des cellules souches. Et en fait, ces difficultés autour de la définition des cellules souches, elles soulèvent aussi du coup des questions autour de mais du coup qu'est-ce que c'est que cette cellule souche? Est-ce que véritablement on a bien saisi la façon de concevoir les cellules souches? D'accord. Et alors dans le cadre classique de la compréhension des cellules souches, on voyait la cellule souche comme au sommet d'une hiérarchie. Donc la cellule souche s'auto-renouvelle et se différencie en descendant comme ça dans la hiérarchie. Et en bas, il y aurait la totalité des cellules différenciées qu'elle aurait produites. Et ce chemin de différenciation du haut vers le bas serait irréversible. Et en fait, cette idée-là, elle a été remise en question de nombreuses fois au cours de l'histoire et de plus en plus ces dernières années. D'accord. Donc le premier doute qui s'est immiscé, c'est venu avec le clonage. Donc vous avez eu un podcast sur la plasticité cellulaire, je crois. Tout à fait. Qui a fait pas mal le tour de la question du clonage, donc j'invite les gens à aller le réécouter. C'est gentil. On mettra dans les notes de l'émission le numéro précis de cet épisode. Alors, parce que voilà, donc moi je suis pas du tout une spécialiste de clonage, mais disons qu'en tout cas le clonage, ça permet de prendre le noyau d'une cellule différenciée et de l'implanter dans un ovocyte et de le reprogrammer et à partir de là de générer un nouvel organisme à partir d'un noyau de cellules différenciées. Donc là, ça a été la première étape pour dire il est possible de, enfin le destin, disons, d'une cellule, en tout cas de son noyau, n'est pas irréversible. Ça a été une première étape qui a pas trop marqué les esprits parce que ça a été fait sur la grenouille, donc les gens se sont dit oui bon d'accord, mais une grenouille c'est quand même un peu bizarre. Donc ça a pas eu vraiment d'impact. On est quand même resté avec ce dogme de non la différenciation en vrai c'est irréversible. Ouais. Jusqu'à Dolly, là les gens ont commencé à transpirer un peu parce que Dolly ça nous ressemble déjà un peu plus qu'une grenouille. Dolly donc la première brebis clonée. Ouais, merci. Mais même là, les gens sont restés sceptiques. Bon, d'abord la technique, elle marche pas très bien. C'est quand même une expérience in vitro. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu particulier d'aller prendre le noyau d'une cellule, d'aller le retransporter dans une autre cellule qui a été vidée avant. Donc, les gens sont quand même restés sur cette idée que ça ne nous dit rien de ce qui se passe dans un organisme. Et donc, dans l'organisme, la différenciation, c'est irréversible. Après le clonage, il y a eu aussi la reprogrammation. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une autre technique qui permet aussi de prendre une cellule, par exemple une cellule de peau, et de la reprogrammer en cellule souche embryonnaire. Tout ça toujours in vitro. Ouais, voilà, in vitro, c'est-à-dire dans une boîte de pétri, en culture cellulaire dans les laboratoires, mais ça permet quand même aujourd'hui de faire des choses assez remarquables. On fait même des mini organes en in vitro, quoi. Voilà, oui, ça offre des perspectives complètement hallucinantes. Mais pour la compréhension de la cellule souche et de l'identité cellulaire, on va dire, dans les organismes, ça n'a toujours rien changé parce que on pouvait rester avec cette idée que dans la vraie vie d'un vrai organisme, la différenciation, elle est irréversible. Mmh. En fait, c'était connu quand même depuis assez longtemps chez les plantes qu'il peut y avoir de la dédifférenciation, mais c'est pareil, les plantes, c'est des trucs bizarres, ça veut rien dire pour nous. Je pense que Eléa va réagir dans à peu près 2 secondes. Comment ça, c'est bizarre? c'est quand même facile, je veux dire, d'accuser la plante de ne rien nous apprendre. C'est vrai, on fait ça souvent. À tort. Mais grave, à tort. Grave erreur. Voilà, exactement, à tort. Et l'histoire l'a bien montré depuis. Donc, il y avait ces connaissances chez les plantes. Il y avait aussi beaucoup de données chez les organismes capables de régénération. La salamandre qui peut refaire une patte, ouais. Ouais, une patte, un membre. Et là aussi, les gens sont restés quand même sur un ton un peu de oui, ben d'accord, mais c'est des organismes qui peuvent régénérer des organes, donc ça nous concerne pas. Toujours, quand même, toujours un peu ce truc. dans un vrai homme, la différenciation, c'est irréversible. Et en fait, quand même, ces dernières années ont montré que c'était même chez les mammifères, c'était pas complètement irréversible, qu'il y avait beaucoup plus de plasticité que ce qu'on imaginait, et que certains tissus, notamment les tissus épithéliaux, maintenant il y a vraiment des données solides qui montrent que, par exemple, en cas de réparation de la peau ou des intestins, il peut y avoir des cellules différenciées, ou disons en cours de différenciation, qui sont capables de redevenir des cellules souches. Tissus épithéliaux, ce sont des rangées de cellules qui forment une sorte de... C'est vrai que c'est difficile à définir ce que c'est qu'un tissu. Mais en gros, vous avez une couche de cellules. La peau, c'est fait d'épithélium. Pareil pour... C'est l'emballage, quoi. Voilà, c'est de l'emballage, mais ça peut être aussi de l'emballage dans les intestins. C'est ce qui forme une sorte de barrière entre un organe et un autre. Donc voilà, on a commencé à accumuler des données qui montrent qu'en fait les choses sont la différenciation n'est pas aussi irréversible qu'on le pensait et que donc des cellules qui étaient pas souches peuvent redevenir souches. Donc c'est le cas surtout dans ces tissus capables de réparation comme la peau, le côlon, je crois que ça a été montré dans les poumons aussi. Enfin, il y a de plus en plus d'organes dans lesquels on voit cette capacité de dédifférenciation et de réacquisition de la propriété souche. D'accord. Notamment dans le foie, j'imagine, parce que c'est un organe qui régénère beaucoup. Alors non, dans le foie, il y a un peu de dédifférenciation, mais en l'occurrence, c'est le seul organe de l'organisme humain, à ma connaissance, qui n'a pas de cellules souches. D'accord, ok. Donc en fait, c'est juste des cellules qui sont, c'est encore une fois, un truc qui ressemble à l'unipotence sans vraiment l'être, c'est ça ou... Oui, c'est, disons que c'est des cellules. Oui, c'est, en fait, à vrai dire, moi, le cas du foie m'échappe un peu. Je comprends pas très bien comment on dit que si ça s'est dédifférencié un peu et que ça s'est remis en prolifération, c'est pas suffisant pour dire que c'est souche. Mais en tout cas, c'est considéré que c'est pas le même mécanisme, notamment parce que ça reste quand même un stade, les cellules maintiennent un phénotype quand même différencié et simplement se remettent en cycle et en prolifération. En prolifération, d'accord. Ouais, c'est vrai que de faire la distinction, c'est toujours une gymnastique un peu mentale de faire la différenciation entre des cellules qui se divisent et des cellules qui ont ce comportement souche. On a envie de dire, bah, si elles se divisent, ça veut dire qu'elles sont souches, mais c'est pas le cas. C'est ça, mais c'est très difficile de faire la distinction puisque dans le cas des cellules souches, c'est basé sur cette notion d'autorenouvellement qui est elle-même associée à l'idée de la reproduction d'une nouvelle cellule souche. Mm-hmm. Donc ça y est, je pense qu'il y a certains de nos éditeurs qui commencent à sortir le Doliprane. Donc la première observation qui a vraiment remis en question la façon dont la cellule souche était conçue, c'est en fait il y a des cellules qui sont pas souches et qui peuvent redevenir souches. Et la deuxième chose, c'est que en fait les cellules elles existent toujours dans des environnements particuliers. On parle de micro-environnement et la question se pose de savoir quel est le rôle de cet environnement dans ce que font les cellules. Dans la conception initiale, on voyait la cellule souche de manière complètement autonome et l'environnement, il est là, mais il n'avait pas de fonction particulière, il n'avait pas d'importance centrale dans le fait qu'une cellule soit souche ou pas souche et dans sa capacité à s'auto-renouveler ou à se différencier. Les choses ont beaucoup changé à ce sujet-là et maintenant on considère que l'environnement dans lequel les cellules souches sont joue un rôle très important. C'est lui qui va guider si la cellule va plutôt s'auto-renouveler ou plutôt se différencier, par exemple. Et là, en fait, il y a plusieurs façons de concevoir l'environnement. Il y a une façon traditionnelle à l'heure actuelle qui est de considérer qu'une cellule, elle est souche ou pas. Si elle est souche, alors ce que la cellule fait va dépendre des signaux qui sont envoyés par l'environnement dans lequel elle est. Ça correspond pas mal à cette idée que la propriété souche, c'est quelque chose d'intrinsèque et de spécifique aux cellules souches. Mmh. Mais il y a une perspective un peu alternative qui émerge aussi, et selon laquelle, en fait, c'est l'environnement qui va faire qu'une cellule est souche. Et donc là, on se rapproche du problème de la dédifférenciation qu'on vient de mentionner. Et dans ce contexte-là, l'idée est que si une cellule devient souche, c'est parce qu'elle est dans l'environnement qui lui permet d'être souche. Et là, c'est une façon de concevoir ce que c'est qu'une cellule souche complètement différente. C'est pas qu'une cellule est souche ou pas souche, c'est qu'en fait, être souche dépend de la relation entre la cellule et son environnement. D'accord. Ok, donc parce qu'il y a bien entendu, moi je suis assez habitué à avoir ce genre de réaction dans la chatroom. Il y a déjà quelqu'un qui se demandait, mais j'arrive pas encore à voir le lien avec la philosophie. Et là, j'imagine que on touche du doigt cette importance de la philosophie quand tu commences à dire qu'une cellule souche peut être considérée comme une cellule souche selon des catégories qui sont différentes. Je sais pas si tu voulais développer un tout petit peu à ce moment-là. C'est là que j'en viens effectivement. Mmh. Donc là, du coup, maintenant, en gros, j'ai dressé un peu j'ai fait un tableau des connaissances actuelles et des problèmes que ça suscite autour de la question, comment on doit comprendre ce que c'est qu'une cellule souche. Et là où la philosophie est utile, c'est qu'elle permet en tout cas, la façon dont moi j'ai utilisé la philosophie, on va s'y prendre comme ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que cette propriété souche qui définit les cellules souches? Et en philosophie, on a une tradition de s'intéresser aux propriétés du monde. On appelle ça la métaphysique et on s'intéresse à ce que sont les choses. Donc j'ai utilisé cette tradition pour définir la propriété souche. Mmh. Et en fait, ça m'a permis de montrer que la propriété souche pouvait être quatre types de propriétés différentes. D'accord. Dans la conception classique, on pourrait appeler ça une propriété catégorique. Une propriété catégorique, c'est une propriété qui est intrinsèque et qui est spécifique à un objet. Donc c'est par exemple vous savez, les tables des éléments chimiques. Oui. Elle repose sur des propriétés catégoriques. Un élément chimique est un élément chimique en vertu de ces propriétés-là. C'est-à-dire, en gros, la composition dans le noyau de neutrons, protons, va définir quel atome se trouve dans quelle partie du tableau périodique. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, je ne sais pas si ça aide les gens à comprendre, mais disons qu'en tout cas, l'idée c'est que une propriété catégorique, ça veut dire ou bien une cellule est souche, ou bien elle n'est pas souche, et ça dépend de ce qu'il y a dans la cellule. Voilà. Dans la conception, on considère que l'environnement joue un rôle dans ce que fait la cellule. Là, la propriété souche, en fait, est une propriété de type dispositionnel. Une disposition, c'est par exemple la fragilité. Il y a des choses qui sont fragiles et il y a des choses qui sont pas fragiles. Donc ça dépend vraiment de la constitution des objets. Mm-hmm. Mais maintenant, pour qu'une chose fragile se brise, il faut qu'il y ait un facteur extrinsèque. Donc pour exprimer cette propriété, il faut qu'il y ait des stimuli extrinsèques. Pour les cellules souches, ça veut dire que la cellule est souche ou pas, en fonction de ses propriétés intrinsèques. Mais en revanche, ce qu'elle fait dépend des stimuli qui sont envoyés par l'environnement dans lequel elle se trouve. Dans la version alternative de la niche que je vous ai décrite, ici, la propriété souche, en fait, est une propriété de type relationnel. Une propriété relationnelle, c'est une propriété qui dépend d'une relation. Donc cette fois-ci, c'est plus tant la propriété de l'objet en fonction de ses qualités intrinsèques, mais une propriété qui émerge d'une relation entre deux entités. Donc, par exemple, un exemple de propriété relationnelle, c'est petit ami, par exemple. Parce que vous êtes le petit ami de votre petit ami que tant que votre relation dure. D'accord, ok. Ouais, j'avais suggéré aussi le voisinage, c'est-à-dire on est voisin de différentes passions. C'est quelque chose qui est relationnel, mais ça peut changer au cours du temps. C'est-à-dire qu'un voisin va changer au fond. En fonction de l'histoire du quartier, etc. Voilà. Okay. Donc la propriété dépend de la relation. Et pour penser ce que c'est que la propriété souche, du coup, ça veut dire qu'il faut penser, il faut prendre en compte à la fois la cellule et l'environnement. Ouais. Et il y a une quatrième possibilité. En fait, il y a des données qui montrent aussi qu'il pourrait y avoir l'acquisition de la propriété souche même sans l'intervention d'une niche particulière. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui se jouent à l'échelle de la population des cellules et qui permettent qu'un certain nombre de cellules soient souches à un temps donné. Et dans ce cas-là, la propriété souche serait plutôt une propriété de type systémique. Donc, un bon exemple de propriété systémique, c'est l'agent Smith dans Matrix. J'espère que tout le monde a vu Matrix, il faut absolument voir Matrix, sinon on ne peut pas comprendre les cellules souches. Donc dans Matrix, en fait, les agents peuvent prendre la place de n'importe quel être humain. Et donc ça, c'est une propriété systémique dans la mesure où à tout instant, il y a un agent Smith, mais ça peut être n'importe quel être humain. Un autre exemple, ça pourrait être les positions dans les matchs dans les sports collectifs, mm-hmm. parce que en fait, un joueur peut être remplacé par un autre. Ce qui compte, c'est que la fonction soit maintenue pour que le système fonctionne bien. D'accord. Donc là, tu nous as défini quatre grandes parties. On va faire un petit résumé parce que c'est quand même assez graphique. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a mis l'image que tu nous as fournie pour voir ces quatre catégories. C'est des catégories, hein, c'est ça ? Ouais. Donc, quatre catégories philosophiques des cellules souches, quatre catégories permettant de les définir, qui sont foncièrement différentes. On a mis cette image sur la chatroom et on la mettra dans les notes de l'émission, dans lequel, en fait, c'est un tableau à quatre entrées. Donc, il y a deux colonnes et deux lignes, et dans lequel on a, dans les colonnes, le concept, est-ce que la cellule souche à sa définition, sa catégorie en fonction de la niche, donc c'est-à-dire en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve ou pas. Donc c'est niche indépendante ou niche dépendante. Et de l'autre, c'est est-ce que sa souchitude, elle est intrinsèque ou extrinsèque. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est codée à l'intérieur de la cellule ou pas. Et du coup, dans ce tableau, on a les quatre catégories que tu nous as fournies. La catégorie catégorique, super, la disposition. Donc catégorique, c'était le tableau de Mendeleïev. Disposition, c'était la fragilité. Relationnel, c'était le voisinage. Et systémique, c'était la position, enfin l'agent Smith ou encore le poste de footballeur, comme par exemple le goal ou avant-centre. Voilà. Ok. Bon. Donc, juste un truc pour clarifier peut-être. Ces quatre catégories, c'est des catégories dans lesquelles tu peux classer des types de cellules souches qui existent, ou est-ce que c'est des caractéristiques qui doivent être combinées pour qu'une cellule souche soit souche? Non, alors l'idée c'est effectivement classificatoire. Donc l'idée c'est pour toute cellule souche, la question est de savoir est-ce que cette cellule est souche de par son environnement ou pas. Est-ce que dans ce tissu-là, des cellules non souches peuvent redevenir souches ou pas? Et donc, en fonction des réponses qu'on donne à ces deux questions, le rôle de l'environnement et la capacité à acquérir cette propriété, eh ben, on va définir. Enfin, la propriété souche sera pas de même nature. Et donc, en fait, pour revenir à la question, mais où est la philosophie là-dedans? Bon, la première chose, c'est que là, ça m'a permis de décrire un peu plus précisément ce que c'est que cette propriété en fonction des données biologiques. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette tendance, donc en biologie, il y a beaucoup de débats autour de comment il faut concevoir les cellules souches, et ce débat, il est très généralement orienté autour d'une dichotomie. Dans l'ancien monde, on voyait les cellules souches comme des entités, il faudrait rénover ce monde et se rendre compte qu'en fait, la cellule souche fait référence à un état cellulaire. Oui, parce qu'il y a de la plasticité et tout ça. En fait, cette tendance à la dichotomie, donc elle est très bonne parce qu'elle permet de voir qu'il y avait un problème avec la vision traditionnelle, mais le problème, c'est qu'elle s'oriente vers il n'y a qu'une seule possibilité, il n'y a qu'une seule vraie réponse à ce que c'est que la cellule souche, et donc il va y avoir les partisans de l'entité et les partisans de l'État, un seul restera, et c'est l'histoire qui nous le dira. En réalité, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps au départ à vous parler de la diversité des cellules souches, au problème de définition et tout ça. Je ne vois pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule réponse à la question « qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche ?» Et là, pour les quatre catégories que j'ai données, il existe des exemples biologiques pour lesquels les connaissances actuelles permettent de dire, par exemple, dans le système hématopoïétique, toutes les données suggèrent, à l'heure actuelle, que la propriété souche est une propriété de type dispositionnel. À l'inverse, dans les cellules souches germinales, les données suggèrent que la propriété souche est une propriété relationnelle, parce que si on enlève des cellules souches de la niche germinale, donc germinale c'est les cellules capables de produire les gamètes, les cellules différenciées peuvent revenir dans la niche, et quand elles reviennent dans la niche, elles réacquièrent la propriété souche. Donc ici on a une propriété relationnelle, puisque ça dépend de la relation entre la cellule souche, enfin entre la cellule et l'environnement. C'est cette relation qui fait que la cellule va être souche ou pas. Donc on a différents types de cellules souches. Et pour ces différents types de cellules souches, la propriété souche n'est pas de même nature. Yes. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu dis. Et je trouve que c'est une vision, enfin, de ce que je vois, même dans pas mal de conférences et tout, qu'on retrouve de plus en plus en biologie en général, en fait. Je trouve que il y a tellement de choses en biologie d'une manière générale qui, où justement, on met un espèce de formalisme comme ça avec des catégories pour expliquer les choses, mais en fait, je trouve que de plus en plus, on a vraiment besoin de ce genre de, je sais pas comment appeler ce que tu dis, de concept, on va dire, pour pouvoir. De perspective, ouais, c'est une perspective philosophique à ce qu'on fait. Ouais. Exactement, une perspective philosophique à ce qu'on fait, mais aussi de sortir de la dichotomie en fait qu'on utilise comme cadre de pensée en fait, mais qui en fait correspond pas vraiment à grand chose, que ce soit biologiquement ou même. D'un point de vue philosophique. Et je trouve qu'on voit ça énormément aussi au niveau des règles de la vie. Il y a un grand domaine actuellement qui cherche un peu les grandes règles de l'évolution du vivant. Et je trouve qu'on se rend compte de plus en plus que ces règles, elles ont une valeur uniquement pour une catégorie donnée, dans un contexte donné, dans un espace de temps donné. Et donc, ça me rappelle exactement ce que tu dis sur les cellules souches, parce que c'est des règles qui sont finalement hyper plastiques et adaptables en fonction de, enfin, de l'évolution de l'objet d'étude, quoi. Ouais. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je trouve que ce que tu dis, enfin, moi, ça résonne énormément par rapport à la biologie en général, en fait. Au-delà même des cellules souches. Non, mais oui, effectivement, c'est une des particularités de la biologie. Et donc, en fait, tous les objets de la biologie se retrouvent avec des problèmes de définition qui sont liés à la particularité que toute entité biologique est le produit d'une évolution et d'une évolution qui persiste. Donc, en fait, il y a toujours de la diversité, il y a toujours des exceptions à la règle et il faut apprendre à travailler avec ça le mieux possible. Et donc, dans le cas des cellules souches, moi, vraiment, ce débat entre entité et état, je le trouve super. Je veux dire, je veux pas du tout c'est important qu'il ait lieu, mais il y a une tendance. Bon, d'abord, ça donne l'idée qu'il y a que deux possibilités. En fait, je vous ai montré qu'il y en a quatre. Et ensuite, il y a une tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que s'il y a de la plasticité, ça veut dire que la conception de l'entité, elle fonctionnait pas. Mais en fait, peut-être qu'elle fonctionnait, mais que pour certaines cellules. Donc voilà, moi je serais un peu plus. C'est une invitation en fait à la précision dans la définition de souche, et j'imagine que tu vas nous en parler parce que ça peut avoir des conséquences particulièrement importantes dans des recherches et notamment sur des vues thérapeutiques. Voilà. Juste avant de passer justement à ça, aux conséquences thérapeutiques, on avait une question, j'ai oublié qui le posait, sur les cellules des crêtes neurales dont en fait j'ai parlé il y a deux semaines. Qui sont capables de se dédifférencier. Est-ce que toi, tu les mettrais dans les cellules souches ? Est-ce que tu as déjà vu des choses sur les cellules crêtes neurales et de leur souchitude ? Est-ce que ça ressemble à une des quatre catégories ? Ah, je connais pas assez bien pour pouvoir y répondre, là, comme ça. Ouais. Faudrait que j'ai des détails expérimentaux. Ce que tu disais, Pierre, la semaine dernière, si je me souviens bien, c'est que ces cellules-là étaient capables de migrer dans un autre endroit, et que du coup, cet endroit-là déterminait leur comportement. Du coup, ce serait de la souchitude plutôt positionnelle, c'est ça ? Si le micro-environnement joue un rôle déterminant dans ce que la cellule fait, la propriété est dispositionnelle. Enfin, sauf si elle induit, si la propriété est déjà là, mais régulée par l'environnement, c'est dispositionnel. Si elle est induite par la location dans laquelle la cellule se trouve, c'est relationnel. Mais ça veut pas dire qu'elle est souche. Donc en fait, peut-être que c'est la propriété d'être crête qui est relationnelle ou dispositionnelle en fonction de l'alternative. Mais ça veut pas dire pour autant que, en fait, ces catégories-là peuvent s'appliquer à d'autres types de propriétés que la propriété souche. Oui, oui. Elle est souche dans le sens où elle peut donner des cellules, enfin, se diviser et se multiplier pour donner des choses différenciées. Et redonner des, redonner. C'est l'autorénouvellement qui est un tout petit peu compliqué. Le seul exemple que j'ai parmi les cellules des crêtes neurales, c'est la pulpe dentaire. Enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment assez compliqué justement pour les cellules crêtes neurales. Mais en gros, dans la pulpe des dents, même chez les adultes, il semblerait qu'il y ait une population de cellules souches adultes et qui proviennent donc des crêtes neurales et que leur destin est limité par rapport à ça. En gros, ils ont le destin cellulaire est typique de cellules de crêtes neurales et pas d'autres cellules. Pas de cellules germinales, par exemple, tu vois. D'accord. C'est en ça que ça pourrait être plutôt dispositionnel, c'est-à-dire qu'elles ont une identité crête neurale, et une fois localisées dans la pulpe des dents, hop, elles deviennent souches. D'accord. Voilà, j'ai fait l'émission il y a deux semaines, c'est très très frais dans ma tête, mais justement, j'ai aussi une très très grande idée de mon inculture sur le sujet, donc à creuser. D'accord. Je sais plus où j'en étais. Les conséquences thérapeutiques. Si, on en était aux conséquences. Ouais. Voilà. Oui, bah, parce que, évidemment, donc, maintenant que j'ai fait l'analyse philosophique, toute la question, c'est, oui, et qui s'en fout, quoi. C'est-à-dire que est-ce que vraiment on doit s'intéresser à savoir si la propriété souche est de type catégorique, dispositionnel, relationnel ou systémique, ou bien est-ce que c'est juste pour discuter en mangeant des cacahuètes? Et évidemment, je pense que c'est un peu plus que juste pour discuter. Et ça s'illustre bien dans le contexte des cellules souches cancéreuses dont je vous ai parlé au début de l'émission. Donc là, c'est assez simple, vous allez tout de suite percevoir le problème. Je vous ai dit, on voit les cancers comme des tissus normaux, avec avec cette même représentation qui aurait une sous-population de cellules souches cancéreuses capables de s'auto-renouveler et de produire le reste des cellules cancéreuses. Ouais. Et il faudrait éliminer spécifiquement ces cellules souches cancéreuses, ou leur environnement d'ailleurs, pour guérir les cancers. Évidemment, ça repose sur l'idée que si on élimine les cellules souches cancéreuses, il n'y a pas d'autres cellules capables de réacquérir la propriété souche. Donc évidemment, la conception des cellules souches cancéreuses, elle est basée sur l'a priori que la propriété souche est une propriété ou bien catégorique ou bien dispositionnelle. Si c'est le cas, vous éliminez les cellules souches cancéreuses, il n'y a plus de propriété souche possible dans le tissu et vous devriez obtenir un traitement efficace. Si en revanche, des cellules non souches peuvent redevenir souches, et en fait, il y a plein maintenant d'exemples qui ont été montrés dans le cancer, alors, en éliminant les cellules souches cancéreuses, vous ne faites que repousser le problème, puisque des cellules cancéreuses non souches vont pouvoir réacquérir la propriété souche et redémarrer le cancer. Et l'autre stratégie alternative qui est mise en place à l'heure actuelle, c'est cibler l'environnement des cellules souches. Et c'est marrant parce qu'en fait, les gens se disent, si on n'arrive pas à cibler les cellules souches cancéreuses parce que c'est trop compliqué de trouver des marqueurs, toujours le problème de chercher Charlie, on n'a qu'à cibler leur environnement et ce sera tout aussi efficace. Mais en fait, philosophiquement, l'idée que cibler l'environnement sera suffisant pour traiter les cancers, elle repose sur un présupposé un peu différent qui serait que la propriété souche serait niche dépendante, donc soit dispositionnelle, soit relationnelle. Si c'est pas le cas, y a rien à cibler. Donc fragilité et voisin, c'est ça le présupposé d'attaquer la niche, puisque c'est des deux choses qui sont niche dépendants. Ouais. Ouais, fragilité et voisin, c'est ça. Moi, je marche par mots clés, moi, tu sais. Ah mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Et donc on voit qu'il y a deux stratégies thérapeutiques en cours de développement, que les deux reposent sur des présupposés différents et donc vont fonctionner différemment en fonction de vraiment quelle est la vraie nature de la propriété souche dans les cancers qui vont être traités. Mmh. Autrement dit, ça sert à rien de se lancer à cœur perdu dans la recherche d'un traitement qui va cibler les cellules souches cancéreuses si c'est une propriété relationnelle ou systémique, matrix ou le voisin, dans le cancer en question. Mmh. Mais là aussi, c'est pareil, je reviens sur le même problème que la fois d'avant, c'est-à-dire que comme maintenant, on a plein de données qui montrent que dans le cancer, il peut y avoir de la plasticité avec des cellules cancéreuses qui redeviennent souches, alors énormément de biologistes se retrouvent à dire, mais en fait, la théorie des cellules souches cancéreuses, ça marche pas. Et hop, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est pas malin, en effet. Bah voilà, donc c'est pas parce que ça marche pas dans certains cancers que ça marche dans aucun cancer, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je sais pas si c'est la manière la plus intelligente de procéder, de dire ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est dans les cas où la propriété souche serait une propriété qui pourrait être acquise par des cellules non souches, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça se fait. Si on est capable de bloquer ces événements de dédifférenciation, on peut aussi trouver des traitements intéressants. Donc en fait, simplement dire « le modèle des cellules souches cancéreuses, ça marche pas, on va se tourner vers un autre modèle, l'évolution clonale, la génétique, je sais pas quoi », c'est un peu s'empêcher de voir d'autres pistes intéressantes dans le traitement des cancers. Gépif d'ailleurs réagit en disant « c'est toujours con de jeter le bébé puisque ça a plein de cellules souches ». C'est pas mal. Bien joué. J'espère que quand même ça montre aussi un peu l'utilité de cette classification en pratique. En effet. Et je sais pas si dans les membres de l'équipe il y a des questions qui vous viennent ou des remarques qui vous viennent par rapport à justement cette idée sur les conséquences thérapeutiques d'une analyse philosophique. Moi, ça me laisse un peu perplexe parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu mets effectivement des mots et des catégories assez précises de réflexion sur des trucs que, quand t'es biologiste, enfin, t'appréhendes de façon plus pratique. C'est-à-dire que tu sais, en tant que biologiste, quand tu cherches sur le cancer, que, ok, t'as certains types de cancers qui vont dépendre de l'environnement, tu sais que t'as certains types de cancers qui vont apparaître tout seul, tu sais tout ça, mais c'est vrai que cette catégorisation est intéressante à faire pour théoriser et prendre un peu de distance sur le truc. Est-ce que pour autant ça va résoudre le problème de fond, parce que tu reviens toujours au mécanisme qui fait que ta cellule fonctionne de telle ou telle manière, donc en fait tu reviens à des questions très très biologiques pour savoir quel type de thérapeutique utiliser. Ouais. Ouais, c'est sûr que la philosophie va pas traiter le cancer. Enfin, je veux dire, oui, non, mais sûr. Donc, il faut bien, effectivement, revenir, et de la même manière que la philosophie va pas traiter le cancer, la philosophie va pas inventer ce que c'est qu'une cellule souche. Donc, évidemment, tout ce que je dis ne repose que sur ce que vous savez tous déjà en tant que biologiste, ou ce que vous savez tous, en tout cas collectivement, parce que individuellement chacun a ses propres lots de connaissances. J'ai pas inventé les données de la biologie, donc c'est juste c'est une façon de réorganiser les connaissances qui permettent de mettre en évidence un certain nombre de choses qui étaient connues mais pas vraiment. Donc par exemple, quand je dis pas vraiment, c'est que moi j'ai montré que la propriété souche pouvait être quatre types de propriétés différentes, là où en fait les gens s'évertuent à avoir un débat sur deux conceptions des cellules souches, l'entité et l'état. D'autres diraient en fait il y a autant de cellules souches, j'ai entendu ça beaucoup quand je faisais ma thèse, il y a autant de cellules souches que de chercheurs qui fait de la biologie des cellules souches, ou il y a autant de cellules souches qu'il n'y a de cellules souches. Et moi, je suis pas d'accord non plus avec cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, parmi la diversité, il y a quand même des ressemblances, où on peut quand même travailler sur des groupes de cellules souches dont on peut s'attendre à ce que les mécanismes fonctionnent plus ou moins de la même façon si la façon pour une cellule d'être souche est approximativement la même, en dépit des diversités qu'il peut y avoir entre les cellules individuellement, par exemple. Daon se demande, si on veut creuser précisément, c'est quelle branche de la philosophie qui permet de catégoriser comme ça ? Je suis très mal à l'aise avec l'organisation de la philosophie. Disons que les outils que j'ai utilisés sont pas mal empruntés à la métaphysique. Donc c'est de la philosophie très traditionnelle. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété catégorique, ou qu'est-ce que c'est qu'une disposition ? C'est des choses de philosophie vraiment très traditionnelles. Ce qu'on appelle la métaphysique, en gros, c'est la science de l'être. On s'intéresse à ce que les choses sont et à la façon dont elles sont dans le monde. D'accord. Quelque chose comme ça, on va dire. Okay. Après, le type de philo que moi je fais, c'est de la philo de la biologie, qui est une branche particulière de la philosophie des sciences, dont une des particularités est de vouloir être très proche de la science, parce que la philosophie traditionnelle des sciences a tendance à se faire un peu de l'extérieur, rétrospectivement sur la science passée, alors que la philosophie de la biologie, en particulier la philosophie que je pratique, s'intéresse au débat de la biologie contemporaine. Et même dans mon cas, j'appartiens à une petite sous-unité de la philosophie de la biologie qu'on appelle la philosophie dans la biologie, et dont la particularité est de vouloir, disons, participer à la production scientifique avec nos outils de philosophe. D'accord. Il y a un moment dans ton dossier, tu disais que au sein de la communauté scientifique, il y avait un débat sur la représentation de ce qu'est une cellule souche, et tu disais que en philosophie, on appelle ça l'ontologie. C'est aussi une branche de la philosophie, ou c'est juste un terme En gros, métaphysique, ontologie. Donc l'ontologie, c'est ce que la chose, c'est la façon dont une chose est. D'accord. La métaphysique, c'est la science de ça. D'accord. En gros, peut-être qu'il y a des métaphysiciens qui m'écoutent, peut-être qu'ils voudraient tous m'étrangler, je ne sais pas. Donc l'objet de la métaphysique, c'est l'ontologie, c'est ça ? Ou c'est l'inverse ? Voilà. Ouais, non, c'est ça. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. C'est ça. Alors, du coup, j'ai une question plus générale. Toi, qui as été en contact, du coup, avec les biologistes, et qui a pratiqué et tout, et qui a un peu parlé de ça, de cette théorisation des classes de cellules souches, Est-ce que tu as eu le sentiment que, en règle générale, on simplifie trop notre façon de percevoir les cellules souches? Est-ce que tu as vu vraiment que ça posait problème dans la façon dont on approche des traitements ou la façon dont on envisage quelque chose concrètement sur le terrain, tu vois? Je sais pas si ma question est claire. c'est difficile d'y répondre parce que, bon, clairement, on a des représentations, tous, enfin, je veux dire, c'est vrai aussi pour les philosophes, hein. Donc, on a des représentations qui sont toujours des abstractions et des simplifications, et ces simplifications posent problème régulièrement dans la pratique, et ça peut poser des problèmes vraiment très importants dès qu'il y a des applications thérapeutiques. Maintenant, moi, mon expérience de la communauté des biologistes des cellules souches, c'est que c'est une communauté extrêmement ouverte, qui a très envie de discuter, qui est tout à fait prête à poser les questions et qui s'intéresse à savoir ce que c'est que cet objet des cellules souches. Vraiment, la communauté de la biologie des cellules souches, moi, je trouve que c'est une communauté qui est ouverte d'esprit, qui se pose des questions et qui vraiment mène des réflexions vraiment intéressantes sur cet objet. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une question dans la chatroom, mais c'est la question suivante que je voulais te poser. Est-ce que suite à tout ça, suite à ces catégorisations, etc., tu as aussi un aspect de ta recherche qui est sur l'éthique de l'utilisation des cellules souches ou pas ? Pas du tout. Alors l'éthique, c'est vraiment pour moi une discipline qui requiert des compétences et des connaissances particulières. Je considère que c'est pas mon cas et que donc je suis pas du tout équipée pour dire des choses pertinentes concernant les problèmes éthiques. Donc c'est vraiment deux branches différentes, l'éthique et la philosophie que toi tu pratiques, parce que je suis sûre que beaucoup de gens, en lisant la philosophie des cellules souches, se sont dit « Ah, on va parler d'éthique et d'embryons, je sais pas. » Oui, bah là, effectivement, la très grande majorité des travaux qui ont été faits en philo sur les cellules souches portent sur des questions de type éthique. Mm-hmm. Mais et en fait, c'est pas du tout mon cas. Et je serais bien en peine de faire de l'éthique. Et tu dis ça alors, parce que t'as coupé plein de verres. Ouais, c'était terrible. J'en fais encore des cauchemars. Ah la vache. Ça, quand même pas. Bon. Ah, c'est ça, c'est particulier quand même, hein, l'expérience de laboratoire quand t'es habitué à une vie très théorique, c'est pas évident tout de suite. Je peux comprendre. Ouais. Et toi, dans ton parcours, du coup, tu t'es vraiment centré sur le fait de théoriser ces cellules souches. Est-ce que du coup, t'as pu appliquer la philosophie à d'autres sujets de recherche aussi ou d'autres aspects de la biologie? Est-ce que t'as, enfin, toi, ton boulot, en fait, c'est de proposer des grilles de lecture théoriques sur des sujets pratiques de biologie. C'est ça. Et donc je l'ai fait. Les cellules souches, c'est vraiment mon sujet favori. J'ai travaillé aussi sur la notion de micro-environnement. Donc on a parlé un peu le micro-environnement des cellules souches, le micro-environnement du cancer. C'est aussi un concept qui est très compliqué. Et maintenant, je travaille aussi sur la notion de clone et d'évolution clonale, qui est un autre modèle très dominant en cancérologie, notamment avec la médecine de précision, qui tente de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses en fonction des mutations qu'elles portent dans chaque individu. Vaste programme. En effet. Je pense que tu voulais conclure ton dossier par peut-être un mot sur l'importance de l'analyse philosophique. Je sais pas ce que tu en penses. J'espère qu'en fait, après tout ce que j'ai dit, la démonstration a été faite de cette importance et que du coup, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose artificiellement dessus. Parfait. Bah, très bien. Pour convaincre. Eh bien, écoute, à moins que d'autres membres de l'équipe, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour un peu de recul, moi, j'avais bénéficié de plusieurs réunions de labo dans lesquelles tu nous avais présenté ces considérations dans une équipe dans laquelle en fait on est finalement très très content de faire un parallèle avec une équipe de philosophie parce que ça nous permet de souvent réfléchir à ce qu'on fait et il y a quelque chose de très classique dans un laboratoire de biologie, c'est qu'on a le nez dans le guidon et on se pose jamais des questions, et soudain un philosophe apparaît, pof, et il dit eh mais c'est quoi ça? Et voilà, c'est fini. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle dans cette analyse, c'est la finesse, effectivement, d'aller comprendre tous ces mécanismes, et peut-être que les gens se posent peut-être pas toujours ces questions. Je pense que, je sais pas, les gens qui travaillent sur les traitements, souvent c'est des approches empiriques, et peut-être qu'en affinant justement la compréhension des mécanismes biologiques, notamment les mécanismes qui impliquent les cellules souches, ça va permettre quand même aux gens de peut-être réfléchir sur d'autres attaques thérapeutiques ou d'approches thérapeutiques, et j'espère que c'est un peu ça qui permet de faire avancer justement les approches thérapeutiques, d'avoir des gens comme Lucie qui peuvent affiner encore une fois les mécanismes de compréhension pour aller chercher des nouvelles pistes de traitement peut-être. C'est vraiment ça l'espoir, c'est vraiment ça l'idée que la philosophie pourrait contribuer à l'avancée des sciences, c'est ça l'ambition, l'idée qu'en clarifiant certains problèmes, on peut éviter les voies de garage, on peut ouvrir des voies qui sont moins explorées, des choses comme ça. Moi, j'avais une dernière question que je t'avais déjà posée d'ailleurs en réunion et qui m'avait vraiment surpris, c'est quel est pour toi l'attrait de faire de la philosophie qui soit à ce point appliquée, puisque c'est, comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose de courant, c'est sous-partie d'une sous-partie de la hiérarchie du monde de la philosophie et de la philosophie des sciences. Pourquoi toi, tu vois un intérêt très très important de faire de l'appliqué, alors que généralement nous biologistes, on est là, oui, alors il faut arrêter de faire de l'appliqué, on peut faire de la biologie pour réfléchir sur le monde, et toi t'es là, non, faut faire de l'application, faut faire du concret. Je pense qu'en fait là c'est un retour sur mon parcours, c'est le fait que j'avais pas du tout prévu de devenir philosophe et quand finalement je me suis dit ah mais la philo ça me plaît bien, je me suis en même temps dit je ne veux pas être inutile, en fait je sais pas comment dire, je voulais bien faire de la philo parce qu'en fait en vrai pourquoi je veux faire de la philo, mais parce que ça m'amuse. Pourquoi je veux faire de la bio, parce que ça m'amuse, mais je peux pas non plus vivre, enfin je sais pas comment dire, ça me semble pas suffisant de juste s'amuser et ça me paraît important que ça serve à quelque chose. Oui, d'apporter quelque chose face voilà. Face à ta réflexion, que ça puisse apporter aussi quelque chose de concret, ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que ce serait favorable pour l'écosystème global de la recherche d'avoir des sortes de philosophes de terrain comme ça qui feraient des interventions soit pour réfléchir sur les problèmes des biologistes, soit pour les former à réfléchir comme un philosophe et à théoriser les trucs sur lesquels ils travaillent? Alors moi je pense qu'il faudrait un philosophe dans chaque labo. Et surtout des financements. C'est ça. Voilà, ouais, bah c'est exactement, ça serait ça le je pense que en fait, je suis partagée, il y a une partie de moi qui pense que ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait dans chaque labo un biologiste, un bioinformaticien, un philosophe, enfin une complémentarité d'approches et d'outils. Après, ma pratique personnelle, c'est que, en fait, il faut simplement abolir les frontières disciplinaires. En réalité, parfois, je ne sais plus trop si je suis philosophe ou pas. Je me sens pas spécialement biologiste, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ce qui me motive, c'est que le matin, j'ai une question, je peux y répondre. Et si pour y répondre, il faut que je fasse de la philo, je fais de la philo. S'il faut que je fasse de la bio, je fais de la bio. Et s'il faut que je fasse de la bioinformatique, je fais de la bioinformatique. Donc j'ai un peu ce tempérament de penser qu'il faut aller chercher les compétences nécessaires là où elles sont. Et... Donc tu m'arrêtes si je me suis trompé, mais ta philosophitude est de type relationnel. Puisque c'est dépendant de la niche et extrinsèque. Donc, ça peut être complètement du ouais. Très bien. Okay, bravo Pierre. Ouais, je m'entraîne. Mais moi ce diagramme, je suis resté dessus, mais pendant une heure, j'étais là, jamais. C'est ouf comme truc. Bah, ce qui est pas mal, c'est que ça s'applique un peu à tout, hein, quand même. Voilà, comme la philosophitude. Ouais. Par exemple. Il y a un peu de sciences humaines dedans. Ouais. Oui, tu pourrais transposer à la personnalité des gens, ça marche aussi. Ouais, est-ce que l'introversion, on peut dire que c'est peut-être génétique, c'est intrinsèque, ou alors c'est peut-être relationnel à cause de la mauvaise famille, ou alors c'est peut-être social, c'est au niveau systémique. Ouais. Ouais. Ou alors c'est peut-être les trois et ça dépend des individus. Ouais, j'ai du mal, si c'est systémique, c'est pas très cool quand même. Non. De toute façon, même pour le cancer, c'est vraiment pas une bonne nouvelle si c'est systémique. Là... Non, oui, c'est compliqué à gérer dans ce cas-là. En effet. Oui, il y a un truc que j'ai vraiment, je suis d'accord. Quand tu dis qu'il faudra un philosophe dans chaque équipe, je trouve que c'est super intéressant parce qu'en ce moment, sur la, donc il y a une initiative que Topo doit connaître, je pense, qui s'appelle Extending the Evolutionary Synthesis. Mm-hmm. Donc c'est l'idée qu'on ah. Et il y a notamment pas mal de gens il y a des philosophes qui font partie de ce groupe et qui apportent un éclairage hyper intéressant. Bon, alors la théorie de l'évolution, il y a beaucoup de choses effectivement, mais justement autres sur l'évolution en tant qu'objet, des espèces en tant qu'objet, etc. Et donc, je trouve que ça apporte énormément c'est un truc qu'on, enfin, bon, moi personnellement, je sais que je découvre tout ça et je trouve que c'est passionnant. Et j'ai l'impression que, bah, il y a pas mal de gens qui, ça bénéficie énormément, enfin, et beaucoup, beaucoup de gens vont bénéficier de ça, quoi. Ça apporte vraiment des nouvelles questions sur l'évolution en général, et on pourrait penser que c'est des choses qui ont été auxquelles on a pensé depuis longtemps, mais je trouve pas tellement. Mmh. Donc effectivement, je pense que mettre plus d'interdisciplinarité et apporter plus de philosophie dans tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire timidement, je pense, dans certains fields et qui aide beaucoup. Alors, j'ai une question peut-être un peu plus générale. Par exemple, si toi t'es philosophe, t'as appris la biologie pour contribuer à ton sujet de philosophie. Si on veut faire l'inverse en tant que biologiste, est-ce qu'il y a des ressources pour faire un peu de philosophie ? Oui, bah dans les deux cas, rien n'est simple. J'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives en France. On est quand même beaucoup à essayer de faciliter ça. C'est plus facile pour un biologiste de démarrer un master de philo, par exemple, que l'inverse. Hein. Parce que les passerelles en biologie, on te dit tout de suite non, bah, là, t'as quoi un master de quoi, philo, psycho, quoi ça ? Non, bah tu redémarres en L1 parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Bon, moi, j'ai quand même réussi à traverser les problèmes administratifs, mais après plusieurs tentatives, en philo, on est un peu plus ouvert pour accepter les biologistes direct en master. Et puis, j'ai quand même pas mal de collègues avec qui on enseigne beaucoup dans les différents masters de sciences en France. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des cours dans plein de masters différents. Donc je pense que c'est des choses qui doivent progresser. Il doit y avoir plus de cours dans les parcours, il doit y avoir plus de cours accessibles à tous pour les biologistes qui auraient envie de se former et vice versa en fait. Et après l'idée du philosophe dans chaque labo, c'est aussi que je pense que c'est une bonne façon de se former les uns aux autres à la science. Je veux dire, il y a beaucoup de philosophes qui bénéficieraient de passer un peu plus de temps en labo. Connaître un peu mieux la biologie, ça leur ferait pas de mal. Et à l'inverse, ils amèneraient la philosophie dans les labos, ce qui donnerait un accès et une connaissance plus facile pour les biologistes. Quand le midi, tu vas déjeuner ensemble, bah voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. J'ai plus qu'à me remettre un master de philo, du coup. Mais quand tu m'arrêtes, mais dans ton équipe, tu as des étudiants qui font médecine, mais qui font de la philosophie, n'est-ce pas? Oui, là en l'occurrence j'ai un étudiant en médecine, mais ils ont ce parcours-là qui est, ça a pas l'air d'être très simple non plus pour les étudiants. D'accord. Mais en gros, ils ont la possibilité à la fin de la troisième année de médecine de faire une année de césure pendant laquelle ils peuvent faire un master soit de biologie soit de philosophie. Je suis pas sûre que ça soit très connu d'eux-mêmes, mais j'ai eu à plusieurs reprises des étudiants en biologie. Dans différents contextes, donc ça c'est des choses qui se font. C'est pas simple, c'est pas coordonné, c'est pas, il y aurait besoin que ça soit un peu plus peu plus clair et un plus peu facile, plus facile, ouais, mais ça se fait. Il y a des possibilités, quoi. Il y a Nive qui se dit « Si je dis à ma femme que je quitte mon taf pour faire un master de philo des sciences, bah... » Ah oui, c'est compliqué. Non, il faudrait, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de choses à distance aussi, mais il y a quand même des possibilités. Hein. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu interviens dans des conférences des fois, par exemple, de biologistes? Est-ce que tu vas à des conférences pour, tu vois, genre les conférences de sciences qu'on va, quoi, pour présenter tes... Absolument. En fait, 80% des interventions que je fais sont dans des départements de biologie. Et moi, je vais à énormément de colloques et de conférences en sciences. J'ai du mal à avoir mes abstracts qui sont retenus pour des présentations orales, mais ça arrive, notamment dans la communauté des CU souches en France, qui est vraiment très ouverte et accueillante. C'est moins le cas sur les congrès médicaux, par exemple. Mais bon, j'imagine que ça va progresser avec le temps. Et de plus en plus, je suis invitée par les organisateurs aussi à donner des conférences, ce qui est vraiment aussi un très bon signe d'accueil. Ouais. Et puis, on peut aussi souligner que les demandes de financement que tu as obtenues, que ce soit dans le LabEx Who Am I ou pour l'ANR, ce sont des projets transversaux systématiquement. Voilà, systématiquement aussi, effectivement, les demandes de financement que je fais, je demande une partie expérimentale. Moi, je voudrais juste rebondir sur l'intérêt, en fait, d'avoir une réflexion philosophique, parce que j'ai l'impression que souvent, quand on est jeune étudiant, on a un peu la tête dans le guidon, on travaille sur un sujet, on se polarise sur ce sujet, on veut obtenir des données sur ce sujet. Et souvent, mon expérience, c'est qu'on oublie de regarder un peu le tableau sur une grande échelle, en fait, et de replacer la problématique dans un contexte plus large. Et je trouve que c'est super important d'avoir des gens comme toi qui permettent de replacer en fait la problématique avec une ouverture plus large, au lieu encore une fois d'avoir des gens qui se polarisent sur un sujet et qui oublient finalement l'importance du sujet, du pourquoi ils travaillent sur ce sujet en fait. Et je trouve que c'est vraiment vraiment super important en fait. Mais en fait, les étudiants sont tous prêts à le faire, ça en fait, c'est pas loin sous la coquille. Il suffit de leur donner l'opportunité de le faire souvent, parce que moi dans le labo, les jeunes ils sont tous intéressés par avoir une vision plus globale. Tu as été invité à faire des jurys de thèse, Lucie? Ça m'est arrivé de jurys de thèse en sciences, j'en ai fait deux en fait. Mais tu vois, par exemple, tu peux aller dans une conférence et écouter des présentations scientifiques et ça devient vite souvent imbuvable parce que c'est hyper pointu et les gens qui présentent sont très très bons, hein, ils sont super bons dans leur sujet. Mais pour quelqu'un qui n'est pas expert dans ce sujet, on se dit vite, mais à quoi ça sert tout ça, quoi? On voit pas l'intérêt, en fait. Et encore une fois, je pense que quelqu'un qui arrive à permettre à ces gens ne serait-ce que d'un point de vue de communication, de montrer pourquoi c'est important, pourquoi ils travaillent sur un sujet, je sais pas, le rôle du calcium dans une contraction musculaire, un truc comme ça, c'est super important. Mais quand on connaît pas, on se dit, ouais, non, mais putain, passer sa vie là-dessus, c'est quand même pas cool, quoi. Alors qu'en fait, c'est super intéressant quand on le remet dans le contexte, d'un point de vue philosophique, ça devient passionnant, en fait. Oui. Je ne peux qu'acquiescer. Très bien. Je profite pour reprendre un tout petit peu les rênes de cette émission. Léa, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est pour le moment le quiz du moment? Alors, le quiz, c'est « La vitamine C empêche de dormir, info ou intox ?» Lucie, est-ce que tu as un avis? Je te laisse la parole. T'as le droit de botter en touche. Hein. En fait, le principe donc du quiz du moment, c'est juste d'avoir l'intuition des invités ou des auditeurs. Et ensuite, ce sera à Eléa de nous expliquer en long et en large, après avoir fait de longues recherches, si c'est une info ou une intox. Ça se passe comment d'ailleurs, Eléa? Eh bien, écoute, je n'ai pas commencé à vraiment chercher des sources pour répondre à cette question, mais il faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Sinon, je vais paniquer, tout ça, mais je suis sûre que je trouverai matière à vous divertir pendant la prochaine roue libre. Fantastique. Comme à chaque émission, on invite nos invités à venir avec une citation. Et donc, tu m'as fourni une citation, Lucie, je te laisse la lire. Alors, c'est une citation de... Ah ben voilà, j'ai un trou sur son nom, super. Pas de problème, si tu regardes... Leonard Cohen. Oui, exactement. C'est chaud, hein, quand même. Et la citation, c'est, de mémoire, c'est « There is a crack in everything, that's how the lights get in ». Mais c'est parfait, si c'est exactement ça. Et Pascal, si tu peux nous passer le petit... son. There is a crack in everything. That's how the light gets in. C'est tiré de la chanson Anthem de Leonard Cohen, de l'album The Future. Et ben, moi, c'est marrant parce que je connaissais une version de cette citation de Michel Audiard qui disait « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Je sais pas si c'est génial. C'est génial, ouais. Eh bien, je vais conclure cette émission et remercier Lucie de nous avoir fait découvrir qu'on pouvait faire de la métaphysique en biologie tout en gardant un pied dans le monde réel, notamment en cultivant un goût pour les bons films de science-fiction et de la bonne musique. Cela nous donne matière à penser, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et en attendant, et comme à chaque fois, que servir la science et la philosophie soit votre joie.